Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec deux équipes. À ma droite, le Jurassic Park des ondes, le Triceratops de la FM, Bob du club. Salut les filles, salut. Dans la même équipe, le président de l'association des anciens combattus du petit village de Bourgogne, tripote-moi la nouille, Maurice. Salut à vous. Ah, tu fais encore là-dedans? Face à eux, un indétrônable du trône, puisqu'il va bientôt être en tournée. Sur son trône. Je croyais que c'était parce que je passais ma vie au chiot. ton prochain spectacle? Oui, ça s'appelle toujours Maman dans ta gueule. Ah oui, c'est Frédéric Koester. Beaucoup de fans. Hein. Merci. L'émission sera réalisée comme chaque semaine par Davy. Ouais, bravo. Et animée par Philippe Bello. Oh, ça va être sans excuses à l'avance. Alors, cher Frédéric, oui. Tu as convié à cette émission une équipe historique. À deux près, on aurait pu dire qu'ils venaient de Strasbourg. Parce que là, ils sont quatre. Ah oui. Parce que s'ils avaient été six, on aurait pu dire qu'ils sont six de Strasbourg. Et de Francfort aussi. Hein. Alors, si vous voulez, je vous envoie ma source. Oui. La personne qui a fait cette vanne la première fois, c'est Philippe Bello. Quand même, elle avait été reprise par Jean Roucas. Oui. Ah oui. Qui a fini par voter FN. Tu vois où ça mène de faire des blagues de merde. Non, ils sont quatre. Ce sont les aventuriers de l'improvisation. Alors, il y a une partie de la troupe. Il y en a un qui n'a pas voulu venir, c'est ça? Oui, bah, il a écouté l'émission. Il a eu peur. Voilà. Alors, on va commencer par les demoiselles. Ah. Il y a Muriel qui est là. Bonsoir. Salut Muriel. Et Mégane. Ah non, attends, faut qu'on entende la voix quand même. Oui, oui. Bonsoir Muriel. Bonsoir à tous. Pas trop improvisé. Impressionné. Ça va, on va voir comment ça se passe. Bon, très bien. Et puis nous avons Mégane. Oh. Ouais. Je crois que c'est la petite dévergondée quand même. Mégane est très contente. Oui, j'ai l'impression qu'elle monte sur ses grands chevaux. Bonsoir. Mégane. Ah oui, oh là. Bonsoir à tous. Tu me désespères. Super contente. Alors, c'est vrai. Avant de présenter les garçons, il faut tout de suite la première recommandation pour Mégane. Enfin, pour la rassurer, puisqu'elle est assise entre Maurice et Bob. Oui. Donc, tu n'as rien à craindre, parce qu'il y en a un qui s'intéresse pas et l'autre qui peut plus. Donc, tu ne risques rien. Hein, rien. Voilà. Et donc, il y a aussi deux garçons de la troupe. Nous avons Basile à ma gauche. Salut Basile. Bonjour. Et puis il avait été embauché dans Blanche-Neige et les Sept Nains pour jouer Joyeux. Oui. C'est Kevin. Salut Kevin. Salut Kevin. Ouais, je suis super content d'être là. Ah. Et il va jouer le rôle du Schtroumpf grognon dans la prochaine adaptation et dans la prochaine impro. Bon, alors, si vous vous appelez les aventuriers de l'improvisation, on a bien compris que vous allez parler d'improvisation, mais pourquoi cette référence un peu médiévale dans toute la publicité que vous faites, les affiches Parce que c'est Kevin qui veut. Ah. Alors, Kevin, une explication. Parce que je l'ai un peu imposé. Ouais. Ouais. Mon grand rêve étant petit, ça a toujours été d'être chevalier. Oui. Du coup, comme je peux pas le faire dans la vie parce que c'est interdit, on nous prend un peu pour des fous si on se balade en armure. Du coup, je le fais au théâtre. Voilà. D'accord. Donc, je l'ai imposé aux autres. Je suis venu les voir et je leur ai dit, écoutez, vous me suivez, sinon je vous pète la gueule. Oui. Ils ont accepté. Ils ont accepté, bien évidemment. C'est un bon argument. Ouais. Mais on se fait au bleu assez vite. Hein. Et alors, donc vous êtes sur scène en tenue chevaleresque? Non, quand même pas. On est sur scène en costume médiéval, ouais. D'accord. Vous êtes en costume médiéval et vous parlez, enfin votre improvisation. On ne parle pas le vieux François. Ouais, vous ne parlez pas le vieux François. Non, on en place un ou deux mots quand même, histoire de dire qu'on est dans l'univers. Mais oui. c'est plus dans Kaamelott, dans ce genre d'humour. Ah oui. D'accord. Alors qu'on comprenne bien, en fait, donc effectivement, vous êtes une troupe d'improvisation. Mmh. Vous vous retrouvez toutes les semaines. Ouais. Et le principe, ça marche comment, en fait? Parce que si vous répondez que par oui ou par non, ça va pas lui faciliter la tâche. Alors je vais parler parce que t'es chiant, en fait. Ouais. Je trouve grognon. Alors le principe est simple. Oui. Le public arrive, le bon peuple arrive et donne deux mots. Alors, ça peut être un nom, un adjectif. Ça peut être aussi un adjectif et un nom. Et avec ces deux mots, on fait 1h15 d'improvisation, une aventure, une histoire complètement inventée. D'où les citron. Voilà, c'est, le... c'est moi qui parle. Bob, excuse-moi, mais je ne te vois pas. C'est pour ça. Excuse-moi. Non, c'est, il disait, s'il dit douille et citron, et bah, douille et citron, on va se faire 1h15 de douille et de citron sur, voilà. Sur, cette, voilà, sur cet imaginaire-là, faire rigoler un peu le bon peuple, surtout. Ah c'est oui. But. Ah bah, c'est le but. Mais alors, en fait, tout le spectacle est complètement improvisé. Complètement, ou... complètement. Donc, c'est jamais la même chose. Jamais. C'est pour ça qu'on peut venir voir une fois, mais on peut venir voir 10 fois, on peut venir voir 20 fois, on peut venir voir 30 fois et je peux continuer jusqu'à ce que l'émission finisse. Ouais. On peut venir les voir 100 fois, on peut venir les voir 1000 non. fois. Alors attention, maintenant vous avez la publicité. Alors si vous voulez voir les aventuriers de l'improvisation, oui. C'est au théâtre R. Falguer. Qui se trouve 55 rue de la Procession, dans le 15e arrondissement. Et c'est quand ? De Paris. Et c'est à Paris, bien sûr, métro numéro 12. Bien sûr, on n'est pas écouté qu'à exactement, Paris. Oui. Alors, et c'est quand ? Alors, j'ai pas les tous les jours. Vendredis soirs à 20h30. Ah oui, c'est derrière. Ah oui, il y a une autre. Merci hein, pour la pub. Hein, d'habitude, tu regardes toujours derrière. Oui. Ouais. Alors donc, le vendredi à 20h. À 20h30. 20h30. D'accord. Précise. Parfait. Alors, la rencontre s'est passée comment ? En mal. Fait, non, parce qu'ils vont toujours me regarder à chaque fois. C'est aventuriers de l'improvisation. Mais vous êtes des comment ? C'est surtout que tu leur fais peur. Vous vous connaissiez avant ou... On a fait la même école de théâtre, quasiment tous. Après, il y a Mégane qui nous moi, a rejoint. Moi, j'étais connue en chantant du Mike Brown dans les loges. D'accord. Et, voilà. C'est vrai, et vous faisiez du théâtre où ? On a fait acting international pendant 3 ans. On n'est pas censé le dire normalement. On est censé dire une école obscure. D'accord. C'est vrai, en 10 ans, je me suis. Parce que vous ne voulez pas lui faire de pub ? Exactement. Plus ou moins. Et donc vous vous êtes rencontrés donc là-bas. Vous vous êtes rencontrés chez Acting International, voilà. Dans l'école obscure, tout à fait. Et pendant la dernière année, Kevin nous a proposé ce projet. Et à la base, ça devait être des matchs d'impro, comme ce qu'il fait en général, c'est-à-dire un sketch de 5 minutes avec des mots donnés par le public. Ouais. Et nous, on a relevé le défi de faire vraiment 1h ou 1h30 de spectacle avec une vraie histoire, une histoire d'amour, des conflits, de l'émotion, de l'humour, mettre quelque chose de plus réel un peu et de moins cuculapraline entre guillemets. D'accord. Et donc là, et ça a commencé quand votre histoire, votre aventure ? Ça fait un an à peu près. Ça fait un an. Commence... Ça fait un mois à peu près. Toi, ça fait un mois. Oh, elle est toute mignonne. Ouais, Chouchou, elle vient juste d'arriver. Ah, oui. Bob, enlève ta main. Non, Bob, remets-la. Non, pas du tout. Bon, alors on va bien sûr parler. On va parler de vous, puis parler de ce que vous faites pendant l'émission. Mais vous allez voir que cette émission, il y a plein de choses. Il y a des jeux, il y a des tournées de blagues. Il y a des blagues. Oui, il y a des blagues. Il en faut. Il y a des tournées de blagues et il y a des épreuves. Cette émission est une épreuve. La première, c'est le baptême de l'équipe ah oui. adverse. Car oui, chers amis, vous formez deux équipes. Alors là, comme vous êtes un nombre impair, je vais être obligé de séparer les équipes. Donc à ma gauche, il y aura l'équipe de Fred, Basile, Kevin et Muriel. Et à ma droite, l'équipe gagnante. Donc. L'équipe de Bob, Maurice et Mégane. L'équipe gagnante. Donc. Voilà. Et donc, pour que les auditeurs puissent suivre ce qui se passe dans l'émission, il va falloir donner un petit nom gentil oui. à l'équipe adverse. Les poilus pour vous. Ah oui, c'est pas fou. Ah oui, c'est vrai, il y a Mégane. trois barres. Il y a Muriel entre les deux, mais bon. Ah bon, parce que tu l'as déjà vu à poil ? Bah regarde, il a à poil, c'est un ours. Hein. Mais il y a trois barbus déjà. Donc. Oui, c'est ça. Il y a trois barbus. Oui. Les poilus, on c'est ne bien. Demandera pas à Muriel de nous faire voir sa barbe. Alors comment on pourrait les appeler en face ? Les vieux moteurs. Parce qu'on a une Mégane et deux vieilles Citroën. Les diesel. Ça vous va, les vieux moteurs ? Bon, alors, les vieux moteurs face aux poilus. Voici la première question. Et là, c'est la première équipe qui donne le point, qui marque. Enfin, qui donne la réponse, qui marque. Oui. D'accord. Qu'a inventé l'Américain Joe Woodland en 1949 ? Alors, c'est quelque chose qui existe toujours. C'est une marque ? Non. Un concept ? Oui. C'est une voiture ? Non. La trottinette ? Non. Un concept, c'est un objet. C'est pas vraiment un objet. Quelque chose manufacturé. Oui. Ça sert l'encre. Pour la cuisine. Non. C'est de l'encre. Non. Il y a de l'encre. Mais oui, il y a de l'encre. Bah, c'est le stylo à bille. Non. Bah, c'est pas Bic qui a inventé le stylo à bille. Oui, c'est Bic le baron. Alors il a inventé quelque chose qui est toujours très utilisé et même de plus en plus utilisé. Le Tampax. Avec de l'encre dedans. Avec de l'encre dedans. Le tu connais vachement bien les filles, toi. C'est pour maquiller les l'imprimante. Filles. Non. Alors, je vais vous aider, en fait. Il a eu cette idée, il a cherché, il a trouvé cette idée parce que sa petite copine travaillait, oui, ça existait déjà en 49 aux États-Unis, elle travaillait dans un supermarché. Ah oui, en 49, ça existait. Oui. Et donc, c'est pour rendre service à sa petite copine qu'il a inventé ça. La caisse enregistreuse ? Non. Le rouleau ? Le rouleau des caisses enregistreuses ? Non. Les tickets de caisse ? Non. Pour marquer les prix ? Oui. Le code barre ? Oui, bah, qui a dit le code barre ? Moi, je l'avais dit déjà il y a longtemps. Muriel, depuis 5 minutes. Ah ben, je ne l'ai pas entendu, Muriel. Bonne réponse de Muriel ! Bravo, Muriel. Bon, un point pour ton équipe, Fred. Oui, oui, oui. Quand même. Bon, alors... Justement, dans l'émission, vous savez, Maurice qui est là est un grand spécialiste des blagues. Il a toujours de bonnes blagues à nous raconter. Il en prépare régulièrement. Comment non ? Ben si, toujours des bonnes blagues. Pourquoi les nains rient quand ils courent ? Pardon. Pourquoi les nains rient quand ils courent ? Quand ils courent. Parce que leurs quéquettes traînent par terre, donc ça leur fait de l'effet ? Parce que non, c'est presque on ça. On a trouvé la fille de Maurice. Parce que Gazon il leur chatouille les couilles. Oh là là, oh là là, oh là, là, oh là. Ah Muriel est contente. Bah, alors aujourd'hui, notez bien la date dans vos agendas. On a trouvé la seule qui rit aux blagues de Maurice. Bon, alors on va voir si vous êtes capable de faire mieux que Maurice, car juste après cette courte pause, ça sera la première tournée de blagues. Ouh là là. Restez avec nous, on revient avec les aventuriers de l'improvisation. C'est nous ! Retour, on va se marrer avec les aventuriers de l'impro. Allez, ça se réveille de ce côté. Ah, les aventuriers de l'impro, alors, dans votre communication, vous placez entre Game of Thrones. Il y a combien de vous là dans ce que tu viens de dire ? Bah vous, entre Game of Thrones et Sacré Graal. Oui. Alors moi, je suis désolé, j'ai passé pour un gros naze. Ah, moi, j'ai jamais vu Game of Thrones. De toute façon, même sans dire ça, tu passes pour un gros naze. Mais moi qui regarde pas les séries, j'ai vu la première. Et alors ? C'est pas mal. Ça raconte quoi ? C'est moyen un jeu. Oui, ça raconte. Oui. Il y a 5 familles. C'est des clans, des clans. Il y a des conflits entre les clans. Voilà, chacun veut se tirer là. Il y a un truc dans le nord où il faut jamais aller parce que là-bas il y a des trucs terribles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre troupe c'est pareil. Il y a des clans ? Non. Si. Oui, visiblement il y a un clan. Ils sont d'accord. Ils sont dégueulasses parce qu'on est deux arrivés dans la troupe là, et donc nous, on est ce qu'on appelle les bisus. D'accord. Et donc les bisus, ils ramassent les sacs, ils rangent des corps, ils sucent des bites. Mais ça, on n'est pas censé le dire. Pardon, je l'ai dit. Muriel n'était pas au courant. Bon, vous allez avoir plein de demandes d'adhésion à votre groupe. Ah mais bien sûr, bien sûr. Je les attends tous. Surtout de garçons. Et alors sacré Graal, évidemment, les Monty Python, mais vous êtes vachement jeune pour les Monty Python, non ? Vous êtes branché Monty Python ? Ben, c'est parce qu'en fait, le co-créateur qui n'est pas là, il est vieux, donc c'est pour ça. C'est-à-dire quel âge ? C'est pour nous rassurer. À peu près le vôtre. C'est bien ce qui pensait. Voilà, très jeune. Au moins votre âge. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Parce que il a 35 ans. Donc, c'est ça, tout à fait. Voilà, alors vous vous situez entre les deux. Et donc, chaque semaine, le vendredi à 20h30, c'est le boxon. C'est le boxon au théâtre Erfalguer, 55 rue de la Procession dans le 15e à Paris. C'est au métro la ligne 12. C'est au métro la ligne 12. Oui. Voltaire. Volontaire. Pasteur. Très bien. Et c'est à 20h30 le vendredi. Qu'on se le dise. Bon, alors, de toute façon, on va vous solliciter tout à l'heure pour un peu d'impro. Hein, ça, vous n'allez pas y passer, c'est clair et net. Mais là, pour l'instant, c'est la première tournée de blagues. Générique. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. On commence avec Maurice, bien sûr, qui a un sponsor. La blague de Maurice avec MST Croisière. MST Croisière, les blagues à fond de cale. Merci, je la connaissais pas celle-là. C'est une fermière qui rentre chez elle après un rendez-vous chez son gynéco. C'est pas gynéco. Voilà. Vas-y, alors commence là. Alors, c'est une fermière qui rentre chez elle après un rendez-vous chez son gynéco. Non, gynéco. Oh, j'aurais pas dû la choisir. Ah, bah non, gynéco. Attends, remettez un sponsor de Maurice au hasard, un autre sponsor. La blague de Maurice avec les Montescaliers Stana. Stana, les blagues qui n'arrivent pas. Eh, celle-là va se... Concentre-toi. Ah non, mais entre les deux, on va, Bob et Maurice, on va en perdre un pendant l'émission. Hein. Allez, une fermière rentre de chez elle après un rendez-vous chez son gynéco. Oui. Très bien. Ah, très bien. Ah, bravo, Maurice. Bravo. Il a dit elle rentre de chez elle. Voilà. Non, il n'a pas dit elle rentre de chez elle. Mais non. Elle rentre de chez elle. Allez. Bon, alors, troisième sponsor. Alors, troisième sponsor. La blague de Maurice avec Air France. Air France, des blagues qui volent haut sur tous les jours de grève. Alors, une fermière rentre chez elle après un rendez-vous chez le gynéco. Bravo! Elle n'est pas finie! Arrête-toi là, tu ne feras pas mieux. Ah, c'était pas la chute. Alors, qu'est-ce qui t'a dit le toubi? Dit son mari. Ben quoi, j'avais un Christ au Jovert. Priez pour nous. Nom de Dieu, le nom de Dieu. Toi qui avais déjà un diable au cul. Ah, c'était vraiment un Christ aux ovaires, alors c'était dans la blague. Voilà, encore un gros succès de Maurice. Ouais. Bon, bien. Vous pouvez faire mieux maintenant. Ah oui, alors, ah oui, la blague de Mégane. Alors, c'est un monsieur qui va acheter un perroquet. Ah. Alors, la blague du perroquet, on la connaît souvent, sauf que ce perroquet, faute de moyens, n'a pas d'ailes, n'a pas de pattes, et donc vit sur une quéquette. Ah. Ah. Ok, il se tient sur sa quéquette, le perroquet, tout va bien. Bonhomme. Bon, alors, on va appeler Marcel, mon monsieur. Donc, Marcel rentre du boulot, et puis le perroquet qui dit, putain, Marcel, viens voir. Viens voir, faut que je te parle, j'ai vu ta femme. Bah oui, qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quoi? Bah, elle était avec un mec, Marcel, je te jure, elle était avec un mec. Bah oui, et après, quoi? Et après? Bah, et après, ils ont commencé à s'embrasser et tout, tu vois. Et après, tu vois bien, le mec, il a commencé à lui enlever ses fringues et tout. Et après, il a commencé à la peloter et tout. Mais après, mais moi, je sais pas, j'ai bandé, je suis tombé. Excellent. Bonne voiture, hein, Mégane. Oui. Alors, la blague de Belle Bob. Carrosserie. Oui. Alors, comment se nomme... Ah oui, j'avais... Oh là là. Comment se nomme un grand rassemblement d'aveugles? Je sais pas. Bah, le festival de Cannes. Le festival de Cannes, merci. Non mais, Bob, excuse-moi. Si tu fais tes blagues avant l'émission, oui. On va pas forcément rire une fois que tu l'as refait. Non, mais je l'ai fait seulement à Mégane avant l'émission. Ah, par contre, entendu. Et pour le public, on pourrait quand même faire semblant. Hein. Ah oui. Vas-y, fais la chute, on rigolera. Vas-y. Oui. Un festival de Cannes. Ah non, c'est pas bien parce que j'ai l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Non, pas du tout. Ah non, on se permettrait pas. Hein. Maurice, ta gueule avec ton gynéco. Adolf Hitler inspecte ses troupes. Il demande à un jeune soldat. Ah, soldat, tu es prêt à m'obéir en toutes circonstances? Mein Führer. C'est l'accent allemand, ça. Oui. Ah. Tu ferais n'importe quoi pour moi? Ah, mein Führer. Alors, baisse ton pantalon. Le soldat s'exécute. Hitler passe derrière, sort son sec. Et le sodomise. Et le soldat crie « Aïe, Hitler !» Ah, elle est bien. Oui, elle est bien. Elle est bien. Je ne ferai pas mieux, moi, personnellement. Je passe mon tour. Ah non. Pas question. Qu'est-ce qu'un génie? Bah, tu me regardes. Hein. Non. Un génie, c'est un étudiant qui a des notes... dans la moyenne, mais avec une mère juive. Je vous avais dit de passer au suivant. Je ferais pas mieux. Fallait la tenter, celle-là. Non, mais par contre, une blague juive qu'on peut vous faire. en improvisation. Rachel. Hey. Rachel. Hey. Qui était avec moi quand on a fait la, quand on a eu la crise de 29, qu'on a tout perdu, tout l'argent, tout perdu. La vérité, t'as tout perdu. Ah oui, oui, Moshé, oui, c'est vrai, j'étais avec toi. T'étais avec moi en 45 quand ils nous ont raflé, qu'on a été obligé de partir en train et tout ça. T'étais avec moi. Oh oui, j'étais avec toi, Moshé, j'étais avec toi, oui. T'étais avec moi quand on était, on a été obligé de partir d'Algérie, une main devant, une main derrière. Ah oui, c'est vrai, j'étais avec toi, Moshé, c'est vrai. Oui, dis donc, mai 68. Oui. Mais 68, quand ils nous ont saccagé le magasin, tu étais avec moi. Ah oui, ah oui, ah oui, Moshé, j'étais avec toi. Et quand il y a eu en 80 les socialistes au gouvernement, qu'ils ont fait l'impôt sur la fortune, qu'on a casqué, tu étais avec moi. Oui, oui, Moshé, oui, alors, j'étais avec toi. Et alors, tu me portes la poisse ou quoi? Alors, la blague de Basile. La blague à Basile. Tintin. Gênant. Qu'est-ce qu'un policier sur un tracteur? vu comment il rit de sa propre blague, mais je crains le pire. Oh non, rire de... Allez, assume, partie. Assume. Un poulet fermier. Oh, oh. C'est poétique. Ils n'osent pas se lancer. Mm-hmm. Alors, Kevin. Schtroumpf-Grognon, c'est à toi. Schtroumpf-Grognon, bah, ça symbolise bien un petit peu ce que je vais faire pendant cette émission. Mm. Alors, monsieur et madame. Monsieur et madame, fous pas une, ont un garçon. Comment s'appelle-t-il? Jean. J'en voilà. Fous pas une. Exactement. Vous voyez, ça, c'est la connexion, connexion improvisateur-improvisatrice. Mégane, t'es encore en période d'essai, alors tu vas te calmer. Et alors, Muriel. Tu veux dire qu'elle est encore en rodage? Je sais pas si vous allez finir par moi. Alors, pourquoi les hommes s'assoient les jambes ouvertes? Parce qu'ils ont un sexe. Parce que sinon, ils écraseraient leur cerveau. Oh, oh, oh, c'est bon, salut. Elle a pas l'air comme ça. Oui, oui, oui. Maurice. Non, ça y est, Maurice, il a déjà donné. Ça suffit, Alors, attendez. Bon, alors, une petite pause. Et juste après, on va marquer des points avec des questions. Donc, restez avec nous. On revient avec les aventuriers de l'impro. Ouais, c'est nous. Retour, on va se marrer avec les aventuriers de l'impro. On est toujours là. Les aventuriers de l'impro, j'ai chaque semaine, Maurice. Mais c'est Maurice. Tous les vendredis à 20h30 oui. Au théâtre R. Falguer, dans le 15e arrondissement, c'est 55 rue de la Procession. Beaucoup. Un petit tour de table quand même. Alors Muriel, toi t'es arrivée là comment? Parce que tu vous parlais d'une école de théâtre, mais t'es directement dans l'impro ou t'as déjà fait des scènes ouvertes ou d'autres troupes ou... Moi j'ai fait l'école de théâtre, donc j'étais encore dans l'école de théâtre quand j'ai rejoint le projet. Oui. Et voilà, c'est Kevin qui est venu nous voir. Il faisait partie de la promotion d'avant. Il est venu nous voir, nous dire, nous présenter son projet. Et voilà, du coup, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à créer le truc. Après, on a eu l'occasion de jouer grâce à notre école. D'accord. Et donc voilà, on a continué après sur un premier théâtre. Et puis maintenant, on continue. Et voilà, ça fait un an que je suis sur ce projet-là. Après, j'ai d'autres projets maintenant que je développe aussi de mon côté. Depuis que j'ai quitté l'école. Et puis, ouh voilà. Sifflez-la, ouh. Bah, elle a le droit d'avoir des projets quand même. Mais alors, parce que ce qu'il faut penser, enfin ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'effectivement vous faites de l'impro donc le vendredi soir, mais l'impro, même si c'est vraiment improvisé, ça se travaille. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, on avait commencé dans notre école à faire de la formation d'impro. Ouais. Avec un intervenant, on faisait sur des matchs d'impro, etc. Donc c'est là qu'on a découvert vraiment l'univers d'improvisation. Et puis après, c'est à partir de ça qu'on l'a développé sur notre format, donc avec nos manières, avec une méthode particulière, etc. Il faut dire qu'à la base, on trichait. C'est-à-dire que quand on a commencé le projet, on ne se sentait pas capable d'improviser pendant une heure, parce qu'une histoire, improviser une heure d'histoire, c'est très difficile. Très compliqué. Et donc à la base, on faisait genre 10 minutes où on réfléchissait à l'histoire, etc. Mais on a vu ce qui était le plus intéressant, en fait, c'est d'arriver vraiment les mains libres sans savoir ce qu'on allait faire. Et de déballer ce qu'il y avait à déballer. Quoi. C'est-à-dire qu'entre le moment où le public vous dit les deux mots, chou-fleur et RER, voilà. c'est direct, vous enchaînez quelqu'un. Ouais, voilà. En fait, ce qui est la vérité me permet vraiment d'être vraiment en fait, dans le jeu. Parce qu'on improvise et en même temps, on est vraiment surpris par ce qui se passe. Donc en fait, le jeu d'acteur, il est encore plus facile. Alors que si on prévoit quelque chose, une scène, etc., les gens nous disent à chaque fois, c'est pas possible, il va y avoir une trame, c'est impossible. Mmh. C'est pas possible que vous puissiez faire une histoire d'une heure comme ça. Mais en fait, ce qui est vraiment le plus amusant pour nous, c'est vraiment de pas savoir ce qui va arriver. Donc à chaque fois qu'on arrive devant le théâtre, on sait pas ce qu'on va faire. Et on est aussi avec le public, comme ça on a les chocottes et le public nous suit en fait et se demande comment on va réussir à terminer l'histoire. Elle est partie sur, je sais pas, on a eu des mots parfois assez fous, on a eu Kevin transsexuel une fois, je me rappelle. Ah. Je regarde personne, ça l'a un peu marqué. Ouais, c'était pas, je jouais pas ce soir-là. Ah. Bah non, t'étais en train de te faire opérer. Tout à fait. On a vraiment des mots différents à chaque fois et ça nous permet vraiment de changer d'imaginaire. Oui, et donc il y a des gens qui reviennent, il y a des gens si, qui sont si venus. S'il y a quelqu'un qui vous dit RER comme mot, ça doit être sympa à placer dans un univers médiéval. Voilà, c'est ça, on a eu coloscopie une fois par exemple. Je pense que ça vous aurait bien plu. Coloscopie céleste. Tout à l'heure, on aura bien sûr un petit extrait de votre talent parce qu'on va vous proposer quelque chose. Mais avant cela, chaque semaine, je tire au hasard. Ça fait des années qu'il tire au hasard. Deux cartes. Dans le boîtier du trivial ici présent. Ça, c'est nous, l'impro. Ouais. Une carte par équipe. On n'est pas dans l'impro. Six questions par carte. Vas-y, but du jeu, répondre au maximum de questions pour faire marquer un maximum de points à son équipe. Vous avez le droit de vous consulter pour donner la réponse. Et dans ces cas-là, si c'est la bonne réponse, c'est un point. Mais vous avez aussi le droit de ne pas vous consulter si vous êtes sûr de la réponse. Dans ces cas-là, Maurice. Cash. Et on donne la bonne réponse. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Faut dire cash et donner la réponse. Et si c'est la bonne réponse, c'est un point. Si c'est la mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Non, si c'est la bonne réponse, c'est deux points. C'est deux points. Deux points. Et alors, attention. Attention. Si vous ne savez vraiment pas répondre, vous avez le droit, dans chaque équipe, une fois par partie, à un appel à un ami. Oui. On peut appeler en direct un de vos amis. Si on n'a pas d'amis, on fait comment? Il faut trouver un ennemi, éventuellement. On peut l'appeler en direct et s'il donne la réponse à votre place... Maman va être tellement contente. Deux points de marqué. C'était quand même extraordinaire, hein, Bob. Deux points. Oui. Bon, oui. Alors, non, si là, on appelle un ami, moi, on a deux points. Moi, je suis en pamoison. Alors, je fais choisir Bob. Je suis sur un nuage. Sinon, si Bob, après, dit que c'est triste, on triche, etc. Alors, la une quand même, ou la deux. Ah, Megan, la une. La carte numéro une, c'est celle-là. On a perdu, voilà. Bob. Alors, on va commencer par l'équipe qui est menée. Mais c'est la vôtre, les vieux moteurs. Donc, je pose la numéro 2 ici. Et je commence par l'équipe des vieux moteurs. Qui est né le premier de Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas, Sylvester Stallone ou Harrison Ford? Donc qui est le plus vieux quoi. Hein. Cash. Qui est le plus vieux. Harrison Ford. Deux points. Ah, on a dit Michael Douglas. Bob, alors, là, le meilleur Bob. Alors là. Bob. Ah oui, alors ça mérite. Hein, non, j'aurais dit Michael Douglas. Bon, elle se calme. Quelle est la plante préférée de Gaston Lagaffe? Alors, Mégane, si dans sais... la main, la plante dans la main. L'herbe, alors, l'herbe dans cache. La main. Cache. Cache l'herbe dans la main. Le poil dans la main, l'herbe dans la main. Putain de merde, c'est pas ça. Allez, j'ai pas le droit de t'aider. Le baobab. Le baobab. Non. Non. Il fait peur. Non. Il fait peur, tu sais pas. Et non. Gaston Lagaffe. Elle a dit baobab, hein, non, hein, c'est pas ça, Bob. Hein. Non, non. Est-ce qu'il y a des lagaffophiles dans l'équipe? Bah, moi, mon père, oui. Ah, on peut l'appeler. La marijuana. La marijuana. Non, c'est vrai qu'il a une grande plante, mais alors. Pour nous, c'est fini, là. On a plus le droit de répondre. Voilà, par contre, c'est à vous et vous pouvez utiliser votre joker téléphone. Hein, c'est vrai qu'il a une grande plante dans son... Je peux le dire? Non. Alors, je crois que Kevin a la réponse. J'en sais rien, mais faut donner une réponse, oui, de toute façon. Oui. Un hibiscus. Non. Non, c'est un soleil. C'est un cactus. T'avais raison. Ah, pauvre con. Le réalisateur m'a traité de pauvre con, monsieur. c'est nouveau, ça. Pas de gros mots, Nadine. Non. Ah. Non, pas de mots au gros surtout. Alors, combien de médailles d'or l'athlète noir américain Jesse Owens remporta-t-il sous les yeux d'Hitler au JO de Berlin? Trois propositions. Une, trois, cinq. Ein, il m'a dit deux. Drei. Faut pas le croire, il n'est pas dans ton équipe. C'est mauvais. Je peux dire? Ah bah oui, vas-y. Ah, c'était sûr, du cash. Alors cash, moi je dirais 3. 2 points. Bravo, Maurice. Oui, il y était. Sur quelle radio Françoise Dolto animait-elle l'émission Lorsque l'enfant paraît? J'étais pas né, les gars, putain, c'est pas cool. Le nom d'une radio. Hein, sur Radio Paris. Ah, Maurice est prêt à faire un cash. Hein. Ah là là, ça va cacher là. Françoise Dolto, tu sais qui c'est, Bob? Ah oui, ah, tout le monde la connaît. C'est une journaliste. C'est une psychanalyste. Prenez-nous pour des cons, c'est gentil. C'est la mère de Carlos, le chanteur. Voilà. et on voit hein, la psychanalyse. Et on voit ce que ça a donné. Maurice fait un cash, tu sais. Hein. Non. Quoi, non. Bah attends, il a fait deux cash, deux bons cash. Oui, c'est vrai. Allez, cash, je vais dire une radio, hein. Tant oui, pis. Bah oui. La radio, de, la radio des poumons. Allez, laisse-les pas, laissez-le parler. Europe numéro 1 ? Non. C'est France Inter. Oui. Ah oui. Et c'était animé par Claude Village. Non. Moi, je sais pas. Par Gérard, je sais plus. Dans quel pays, alors ça c'est pour Bob parce qu'il est très fort en jeu. Non, dans, c'était animé par Jacques Pradel. Dans quel pays a été inventé le jeu du Lego ? C'est pas les cons de Suède, là, oui. Ikea et tout ? C'est ça, c'est là, oui. Alors vas-y. Alors Cash. Cash, Suède. Cash, Suède. Suède, dit-elle. Non. Ah. Merde. Non, mais c'est pas loin. La Finlande. C'est pas le Danemark. C'est Finlande ou Norvège, peut-être, non ? Hein ? Finlande ou Norvège ? Finvège ? Mage. Vous pouvez voter quand même là. Finlande. Moi je dis Finlande. Finlande. Un Finlande, deux Finlandes, un Norvège. Moi je dis Danemark. Un Danemark. Ah, c'est pas bête, Danemark. Ah. Je sais pas. Alors. Mais allez-y, moi je peux pas me fâcher avec les invités. Vous savez que Frédéric, quand il donne la bonne réponse et que les invités l'ont induit en erreur. Bah, il passe par la fenêtre. Là, il gueule après. Je préfère vous prévenir. Il passe par la fenêtre. Alors Frédéric, t'as dit quoi toi comme réponse? T'as dit quoi? Je disais le Danemark. Ah, Danemark, d'accord. Ouais. Non, allez-y. Tu changes de... Mais je sais pas. Les invités passent à la par la fenêtre ou à la casserole. Maintenant, je choisis Finlande. Alors, Finlande. Moi, je reste sur Finlande. De Finlande. Eh bien. Alors Finlande. La Finlande, ouais. C'était le Danemark. Ouais. Excellent. Excellent. Je me casse. Ah non, il y a encore une question. Il y a encore une question. Reviens. Et dernière question, Bob. Oui. Quelle église parisienne est voisine du Forum des Halles à Paris? Ah oui. Oh. Cash. Oh là là. Okay. Saint-Eustache. Bonne réponse. Wouh. Oh la vache, Maurice, aujourd'hui. Maurice, il est bon. Incroyable. He's on fire. Je l'avais aussi, hein, alors ça va. On était sûr sur le coup là. Ah là, vous avez bien assuré, Bob. Ah oui, là, dis donc. J'ai pas le temps de regarder, mais c'est bien, hein, vraiment. Bon. Pourtant, ils sont plus que nous en face. Oui, oui, mais là, vous avez bien assuré. Bon, ils ont leur carte encore, hein, qui est là. Hein. Ouais. On va les épiler. Oui. Mais on va marquer une courte pause car il faut que l'on sollicite juste après nos aventuriers de l'impro. Mmh. On a une petite chose à leur proposer. S'ils improvisent aussi bien qu'ils répondent aux questions, on est pendant la même. Donc restez avec nous, on va faire une petite tentative avec Maurice. Ah, et une tentative n'est pas forcément un homosexuel pressé. Tout à fait. Ouais. Avec Maurice et les aventuriers de l'impro. Ouais. Retour, on va se marrer avec les aventuriers de l'impro. Wow. Oui, il y en a qui a un beau chapeau. Hein. Alors les aventuriers de l'impro, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à improviser sur tout et n'importe quoi. Non, on n'a rien dit, tu nous as forcés. Voilà, mais c'est pas grave. Alors les auditeurs qui suivent l'émission savent que Maurice a un sketch fétiche, qui est le sketch du sex shop. Mais comme ce soir vous êtes nombreux, je me disais Je suis parti au salon de l'érotisme. Voilà, je me disais Morissette, parce que c'est le rôle de Morissette, voilà. Aurait pu aller au salon de l'érotisme accompagné de son mari Kevin. Ça m'a toujours fait plaisir. Voilà. Donc moi je propose. Il a même appelé son cousin Basile aussi. Mais Basile, hein. Il travaille au salon de l'érotisme. Ah, il travaille, oui. Avec sa sœur Muriel. Alors attention, Maurice. Enfin, Morissette et Kevin au salon de l'érotisme. Ah. Ah. Alors, bonjour Kevin, ça va? C'est ton mari. C'est ton mari, dis-moi. Depuis quand tu m'appelles Kevin, tu peux m'appeler par mon petit nom. Voilà. Mon Kevin, on va l'appeler. La petite cécette, ça me fait plaisir de te voir. C'est vrai qu'il a une petite cécette. Hein. Mon petit Kevinou. On va aller se distraire au salon de l'érotisme. Et on va aller voir notre copine, la Muriel, là, qui doit tenir un stand. Ah. D'accord, cécette. Tout pour te faire plaisir. Hein. Voilà. Je sais pas comment on va se marrer là-bas, mais vas-y. Non, mais ça, j'espère que tu as fait ta petite liste. Moi, j'ai fait la mienne. Ah. Oui, ça pour... Alors, on Muriel. On va demander à Muriel si elle a des menottes. Alors, elle est là. Muriel, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Alors, comment comment ça se passe le salon de l'érotisme cette année? C'est génial. C'est génial, ouais. Ah, le salon de l'érotisme. C'est 7, tu dis quoi si rien que sa voix me fait bander? Et ça, on va pouvoir lui acheter des menottes à poignée en cuir collector. Oh, oui, c'est exactement ce que je fais. Je peux vous fournir tout ce que vous voulez. Oui. Dites-moi et... tout ce que vous voulez. Et avec la... Avec, non, la, personne. Avec la poussière du salon, je tousse. Tu parles, ça. Ma petite sucette. Attends, je te donne ta petite sucette. Ah. On verra ça ce soir. Hein. J'ai hâte. On va demander à notre chère amie Muriel si elle a une ceinture de chasteté avec une chaîne externe. Oui, bien sûr, je peux vous fournir des ceintures de chasteté de toutes les couleurs, si vous désirez. Et t'as un petit martinet aussi, parce que le petit Kibinou, il aime bien ça. Ah, oh, je vois que c'est un coquin, le monsieur. Il alors aime c'est bien pour ce moi le martinet, hein. c'est pour que Cécette puisse me fouetter les fesses. Mais elle a peut-être des nouveautés à te proposer, non? Ah oui, qu'est-ce que t'as comme nouveauté? Sinon, on va voir ta petite copine, Mégane, après. Vroom, vroom. Oui, il y a Mégane. Vous pouvez aller voir Mégane. Elle aime bien les nouveautés, Mégane. Oui. Montre-nous ce que t'as, Mégane. Elle doit sûrement avoir un embout de douche en alu pour un lavement. C'est malin, elle a les images dans la tête. Oh. Salut, Mégane. Salut. T'es partie dans la remise pour voir si t'as toujours l'embout en alu? Alors, j'aime bien mieux que ça, Morissette. Non seulement j'ai l'embout, mais en plus de ça, j'ai carrément un plug que j'ai installé dessus. Tu vois le délire? Ah oui, je vois. Ah, mais double sensation de confort. Alors, ça double être, pénétration, ça double plaisir. Ça va être Kevinou qui va être content avec son cousin Basile. Est-ce qu'on peut tester, Mégane? Parce que moi, j'ai envie de tester là tout de suite. Là. Avec grand plaisir, je vous laisse vous installer. T'as un backroom, t'as quelque chose? Ah, ça me dérange pas de faire ça devant tout le monde, vas-y. Ah, et on va aller voir Basile parce que... Mais non, pas les godes. Ma petite Cécette, tu vas pas me remplacer quand même. Non, mais ça t'aime bien le goder un peu quand même. Alors, je vous en prie, installez-vous, je vous en prie, installez-vous. J'ai vu que... N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on a en stock. Ça, hein, ouais. Mais c'est une tête que je connais, mais vous aviez pas un petit magasin qui servait de boucherie dans le temps? Oh, mais ça fait fort longtemps, cher jeune homme, j'ai maintenant bien évolué. Il est passé d'une certaine saucisse à une autre. Oui, tout à fait. Alors, je vous présente un peu mes modèles. Oui, ça, qu'est-ce que vous avez comme vibromasseur phosphorescent? Phosphorescent, oui. Intéressant. On en a à paillettes, si ça vous intéresse. Non, phosphorescent. Ça laisse des traces. Phosphorescent, il y aura des traces, ouais, qui vont être laissées. Ça va être compliqué. Je peux vous laisser un... Qu'est-ce que vous me laissez? Un Godemiché sabre laser. Ah, oh yeah, très ouais, tendance en ce moment. Ouais, carrément. Saint Kevinou va être content là. Un rouge. Un rouge. Le Dark Vador, alors je vous le sers. Non, le Darth Maul. Le Darth Maul, c'est à mon image. Mais c'est le modèle que... C'est le modèle qu'on voit là-bas, que vous avez au fond du stand? Ah non, ça c'est la quéquette de Kevin, ça. Ah non. Tu peux pas la voir aussi loin. Elle est pas aussi grosse et elle est pas aussi rouge non plus. D'accord. Au fond du magasin, là, au fond de votre stand, qu'est-ce que non, c'est? Ah non, ça c'est un extincteur. Ah, on peut pas l'avoir. Oh. Elle est gourmande. Il est nul, il a mis la chute tout de suite, ce neuf. Bravo. Eh, vous remarquez quand même que Maurice avait préparé une liste. Oui. Non, il a fait l'inventaire de ce qu'il y avait dans sa chambre. Pub. Mais t'as oublié qu'il y avait du lubrifiste hein, dans ta chambre. Ah, tu l'as pas demandé ce soir, le lubrifiste? Non, mais ça... Kevinou... Il a encore un pot qui est plein. Avec Kevinou, on n'a pas besoin de lubrifier. C'était un sketch, là, Maurice. Le sketch est fini. Bah, Maurice, c'était un sketch. Ouais, alors, lâche Kevin, maintenant. Mais pourquoi? On l'a lâché. Bon, ben voilà, donc vous avez donc... Peut-être un futur membre des non. aventuriers de l'impro. N'emploie pas ce mot non. après ce sketch. Non, on va dire non. Ah non. Vraiment, si, non. En fait, Mégane, t'es out. Ah merde. Morissette, t'es in. Allez. Allez, hop. Je quitte ce studio, merci beaucoup. Mais non. Alors, d'autres impros à venir. Mais meilleur, peut-être. Peut-être, sûrement. Alors, Maurice. C'est tous les vendredis soirs à 20h30. Oui. Et faut pas oublier, c'est au théâtre R. Falguer. Oui. Dans le 15e arrondissement, c'est 55 rue de la Procession. Et si vous venez en métro, c'est, oui, c'est la station Volontaire ou Pasteur. D'accord. Il y a deux personnes qui arrivent avec des grands sacs, en fait. C'est quoi? Ah ben c'est les achats que t'as fait, tu les as pas emmenés. Oui, c'est livré. Il les a pas payés. Sur... Bon, eh bien dans quelques instants, l'équipe des poilus, l'autre, la carte est là. Donc préparez-vous car il ne faut pas vous laisser dépasser. On revient dans quelques instants avec les aventuriers de l'impro. Ouais ouais. Retour, on va se marrer, ouais, avec les aventuriers de l'impro. Attends, j'ai pas compris là, ce que t'as dit. Les aventuriers de l'impro. Ah oui, bravo. Ah, oui. Merci Bob. Et Bob, il est là. C'est les aventuriers de l'impro. Ah bon, voilà. Avec Audica. C'est qui ça, Audica? Et vous nous avez pas parlé de Stéphane? Stéphane Russel. C'est votre coach. C'est le co-créateur. Ah. C'est le vieux. Bah, peut-être en parler, ça lui fera. Ça lui fait plaisir s'il entend le replay de l'émission. Non, il s'en fout. Il s'en fout, quoi. Ah ouais, il s'en fout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un con. Bah, ah, bon, ah bon, en plus. Je sais pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Basile. Merde. Mais là, je vois sur la photo, vous êtes sept. Oui. On est sept et en réalité, on est neuf. Il n'y a pas moi, c'est dégueulasse. Non, c'est vous les mangez les autres ou... Ça varie. Voilà, Mégane en fait un essai là et puis après l'émission de radio, bah. C'était un essai. Sur la photo, non, Mégane n'est pas sur la photo parce que Mégane en séance photo, elle est intenable. Ah, ah bah il y a elle pas qu'en séance photo. Voilà. A priori, ça doit être tout le temps. C'est tout le temps. Elle bouge trop, elle est floue. Bon alors le coach, non, un petit mot quand même. C'est quand même un grand pro de théâtre qui joue avec plein de bien, non Bah le coach, c'est quelqu'un avec une certaine expérience. C'est ça. Comme vous, qui a été formateur dans notre école obscure, oui. qui actuellement est à l'école La Générale, puisque celle-là on peut la citer. D'accord. Voilà. Alors oui, la carte. Oui, c'est vrai. Ah, oui. La carte, on parle, mais oui, j'ai la carte. La carte oui. de France. Ben non, la carte pour les points. Ah, la carte du monde. Parce que pour l'instant, les vieux. Ça fait longtemps qu'il fait plus les cartes de France. Les vieux moteurs. Éventuellement. La Corse, mais... Bon, les poilus. Oui. Moi, je fais du doré, j'arrive. Votre carte. Ah oui, bienvenue dans le Trivial Poursuit 1985. Quelle actrice? Oui. Ah. Épousa Mickey Rooney et Frank Sinatra. Cash, Ava Gardner. Ouais, ça, c'est facile pour toi. Easy, quoi, ça je veux dire. C'est là où quand c'est on a truqué. Deux points. Ça. Yes. Dans quelle discipline est attribué un prix Nobel depuis 1968 seulement? Donc, il y a un prix Nobel qui a été créé en 68. Ouais. Je vous demande lequel. Mathématiques. Non, il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Il n'y a pas. C'est la médaille. L'amant de sa femme était mathématicien. Ah, si vous avez, exact, c'est exact, la médaille c'est quelque ça. Chose. Mais si vous avez un mec qui a fait des études, éventuellement. Bon, j'ai la gueule d'avoir des copains qui ont des études. Non, c'est vrai. Alors. Bah on en a deux qui ont fait des études ici, donc. Royal Basile, il va falloir un petit peu vous mouiller. Hein. Je sais pas, je dirais la paix, non? Ouais, moi aussi, j'aurais Nobel dit ça, paix, mais après. 68. Ouais, je dirais ça aussi. Hein. Ouais. Donc Basile me fait la gueule, il me tourne le dos. C'est peut-être une invitation. Ouais, moi bah, je sais pas, t'as vu le film avec Balasco ou pas? Lequel? Les hommes préfèrent les grosses. Oui. Tu sais que l'affiche oui. de Maman dans ta gueule, oui. tu vas la prendre vraiment dans la gueule. Ah merde, t'as, pas t'as déjà les rouleaux. Alors, qui c'est? Moi, je sais. Oui, donc... Bah, il tente la paix, je pense. Ouais, on va dire la paix. Le prix Nobel de la paix. Attends, tu peux y aller, j'ai pas d'idée. Donc, oui. Je me vexe. Alors, le prix Nobel de la paix en 68, non. J'ai oui. Allez, vas-y. Cache. Prix Nobel de littérature. Non. Et merde. Allez. Ah merde. C'était bien la peine. J'avais triché en plus, j'ai regardé sur internet. Ça n'avait pas marché. C'était l'économie. C'était le prix Nobel d'économie depuis 68. Eh oui. Mais bien sûr, mais parce qu'on n'est pas des droitistes, nous on s'en fout. Dans quelle grande ville oui. eut lieu en 1968 encore, tiens, la fusillade de la place des Trois Cultures. Pour toi. Ouais. Hein, c'est pour toi la question. Ah non, mais moi je 68, je peux pas trop savoir ce qui se passait. T'es en France? Non. Je n'ai pas en France. Ah ouais, c'est pas en France. Ouais. Bob sait peut-être. Je pense que Bob sait. La place des Trois Cultures. Voilà, dans quelle ville, très grande ville, eut lieu en 68 la fusillade de la place des Trois Cultures. Et heureusement Notre grand chanteur d'opérette n'y était pas. Ah, alors je sais pas. Notre grand chanteur d'opérette. Oui. Luis Mariano. Oui. Ah. Heureusement qu'il n'y était pas. Ça devait être en Espagne. Apparemment, c'est pas en Espagne, vu sa tête. Ah bah non, tu vas pas leur donner. Ah, j'ai rien donné du tout. Il a chanté Luis Mariano. Il a chanté La Belle de Cadix. Donc ça Mexico peut être Cadix. Non, je sais rien. Ah. Mexico. Moi je dis comme Kevin. Qu'est-ce qu'il dit Kevin? Il dit Mexico Kevin. Oui, c'est une bonne réponse. Ouh, un point. Sans aide complète. Alors attendez, c'est pas Mexico déjà. Si. Alors non, j'ai la réponse, c'est à Tlatelolco. Oui, c'est à Mexico, c'est une quartier, un quartier. D'accord, merci Megan. Franchement, j'ai ton portable. Franchement, si c'est pour dire ça, ferme-la. Hein, ferme-la. Ils ont eu qu'un point. C'est le 1er mai. Je sais pas. Ah, on s'en branle. Google. Alors, c'est le premier mail. On en a rien à battre. Hein. Oui. Bah non, on peut le dire. La nuit du 2 octobre 1968. Voilà. Bon, dans jamais... quel film oui. Raymond Depardon suit-il des journalistes traquant des célébrités et hommes politiques? Au paradis. Ouf. Cash un cash, même. Bah, je sais pas, je dirais ça. Un cash pas paradis. Ouais, il me semble. Elle a dit cash. Elle a dit cash. Cash, hein, pas paradis. Je sais pas. Ce n'est pas cela. Ah, un point pour. Non. Répète la question. Dans quel film Raymond Depardon suit-il des journalistes traquant des célébrités et hommes politiques? La traque. La quoi? Je le sais, hein, c'est oui, c'est que tu t'es trompé, mais de peu de choses. Je suis sûr que je le sais. On va dire la traque. Ah ouais, j'ai cash, paparazzad. Non. Non, c'est non, en fait, c'est reporter. Ah. Eh oui, c'est pas... Ah, c'est paparazzi, paparazzi, c'était pas loin. Non, mais paparazzi, c'est un autre film. Dans l'univers. Oui, mais c'est une fiction. Avec London. Hein? Avec Vincent Lindon. Comment? Avec Vincent Lindon. Vincent, oui, c'est pareil. Et Tim Seed. Non, mais Raymond Depardon, il fait des documentaires. Ouais, mais... Ah. D'accord. Voilà, c'est tout. Quelle est la plus longue route du monde construite au XXe siècle? 66. Construite au XXe? Moi j'en connais qu'une, c'est la route 66. Quand t'as un cache comme ça? Je suis pas sûr. Bah, Fred ne dit rien parce que s'il dit, c'est marqué. On peut plus route. Faire. Oui. Je ne sais pas. Bah, cash, la route 66. Oui, c'est une bonne réponse. Ouais. Il n'existe plus d'ailleurs. Oui. Ah bon? Ah, c'est 67. Elle est coupée à certains. Non, c'est la route 69 à la fin, c'est un cul-de-sac. Faites tes tacueux. Et enfin. Oui, on attend, on est là, nous on est prêts. Hein. On est chaud. De quand date le premier numéro du magazine Elle? 4 propositions. 1929, 1938. 1945, 1959. Cash, 1945. Deux. Oh la vache. Oh là là. Il fait ça d'un air suffisant. Il baisse les yeux, genre oui, je sais. Quand je sais, quand je sais pas, je le dis. Quand je sais, je ne m'en cache pas. Ah oui, mais du coup, du coup, les poilus, vous prenez la tête. Hein. Ouais. Ah bon? Non. De combien? Ah oui. Ils ont fait plus de cash que nous. Eh oui, eh oui. Ils prennent la tête, de pas beaucoup, mais ils prennent la tête. Bob, de un point. Je dis ça, je dis rien. Ah bon, ouais. On prend ma tête. Toi aussi, Bélo, tu commences à prendre la tête là. Pas du tout. Bon, je vois que les deux équipes sont en forme, donc je propose de dégainer une nouvelle tournée de blagues. Oui, surtout que le réalisateur est plus du tout sur le coup. Il est en train de regarder son. Je sais pas ce qu'il est en train de regarder comme émission sur son portable. Voilà, bravo. Hein. Bon, allez, courte pause et tournée de blagues. Ah. Retour, on va se marrer avec les aventuriers de l'impro. C'est toujours nous. Mais oui. Super. Donc l'impro, c'est tous les vendredis. Et c'est tous les vendredis à 20h30. Oui. Au théâtre R. Falguer. 55 litres dans la procession à Paris, maître volontaire ou pasteur. C'est bon, c'est fini. Hop. Voilà. Derrière la chaîne. Il y a une page Facebook. Oui. Les aventuriers de l'improvisation. Voilà. Et on joue aussi à Avignon en juillet. Ah, mais c'est intéressant, vous jouez où? On joue à l'Albatros à 22h30. À Avignon, il vient de te dire, t'es débile ou quoi? Non, mais quel théâtre! À Avignon, il y a 350 théâtres, attends! L'Albatros. À l'Albatros, ouais. Très bien. 22h30. Ah ouais. Tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ah ben bah voilà, c'est super, ça c'est une bonne nouvelle. On est tout contents. Bah oui, bah on espère bien. Oui. Bah vous savez qu'à Avignon, il faut marner toute la journée pour faire la pub. Hein. Il paraît, ouais. Il va falloir que tu te foutes à poil, ma chérie. Pas de problème, c'est prévu. Ça va pas de parler comme ça aux invités. Mais non, mais justement, c'est pour lui dire ce qu'elle devra faire. Il m'a dit ma chérie, donc ça va. Tu parlais pas. Bon, allez, vous avez révisé, voici la tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. La blague de Maurice avec son sponsor. La blague de Maurice avec MST Croisière. MST Croisière, les blagues à fond de cale. Pauvre enfant. Bon, quand tu veux, Maurice. Une femme demande à son mari, quelle est la différence entre un sapin et toi ? Hein ? Je ne sais pas, répond le mari. C'est que le sapin, c'est un conifère et que toi, t'es con, mais on ne peut rien y faire. Oh, non, elle est pas mal. Elle est pas mal. Hein. Oui, Fred a pas dû entendre parce qu'il a rien dit. Oui, ouais. Il s'est endormi. Non, il voulait peut-être que tu la refasses. Mais... Non. Bon, allez, Mégane. Alors, moi, elles sont toujours longues, hein, je vous préviens. Mm-hmm. J'aime bien les longues. Ah. Alors, c'est un crash aérien. Il n'y a plus que 3 survivants. Il nous reste 2 pilotes, donc le pilote et le copilote, et une hôtesse de l'air. Alors, ils sont coincés sur une île déserte, on ne sait où. La boîte noire a disparu. Ils sont dans la merde, mais ils veulent quand même niquer. Alors, pour ce faire, l'hôtesse de l'air propose au copilote, écoutez les gars, moi ce que je vous propose, c'est une semaine sur deux. Voilà, donc une semaine le pilote, une semaine le copilote, une semaine, etc. Donc ils sont très très contents, et jusqu'au jour où l'hôtesse de l'air meurt. Crise cardiaque, c'est la merde. Alors le copilote va voir le pilote, et puis dit, écoutez chef, on peut continuer tous les deux. Je veux dire, une semaine vous, une semaine moi, personne ne le saura, de toute façon, on continue quoi. Bon, le pilote qui dit, ok. Donc une semaine le pilote, une semaine le copilote, une semaine le pilote, etc., etc. Et au bout d'un moment, le copilote vient voir le chef et dit, putain, chef, franchement, oh non, je peux pas faire ça. Non, je peux plus, chef, c'est dégueulasse. Mais franchement, c'est dégueulasse, c'est pas la Bible, ça, c'est pas Dieu, c'est pas Adam et Ève, franchement. Qu'est-ce qu'on fait, chef, on arrête ou... Écoutez, vous avez raison. Bon. On l'enterre. Oh, oh, merci. Merci à toi, public, chérie. Allez, hein. Ah bah allez, non. Bob. Moi, j'ai un copain, il a 5 bites. Ah. Oui, son cible, il va comme un gant. Ouais, bah. Bienvenue au caveau de la République. L'archevêché doit engager un nouveau jardinier. Alors le bedeau aimerait bien donner la place à son copain Mohamed, qui est au chômage, mais il sait que l'archevêché est très strict sur un point, tout le personnel doit être catholique. Alors le bedeau, il a quand même une idée. Il dit, Ahmed, viens voir Momo, dis donc, t'as qu'à dire que tu t'es converti il y a plusieurs années à la religion catholique. Comme ça, au moins... Oui, t'es gentil, oui, merci, choukran bzef, mais... Ah, oh, il fait vraiment tous les accents. Mais, il est formidable. Écoute, c'est pas possible. Moi, j'y connais rien à la religion catholique. Ah, merde, c'est l'accent juif, ça. Oh. T'inquiète pas. Pour vérifier qu'un employé est bon chrétien, Monseigneur pose toujours les mêmes questions. Il va te demander qui était la mère de Jésus, tu n'auras qu'à répondre Marie. Qui était le père de Jésus, tu n'auras qu'à dire Joseph. Comment est mort Jésus, tu n'auras qu'à dire sur la croix. Attends, je ne me rappellerai jamais de tout ça. Attends, je te le répète, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à tout. Je vais tout te marquer sur la tondeuse à gazon. Comme ça, tu n'auras plus qu'à lire les réponses sur ta tondeuse. Ah, alors Ahmed était engagé. Et le premier jour, alors qu'il est en train de tondre la pelouse, l'archevêque s'approche de lui. Oh, bonjour, monsieur. Ah, vous êtes le nouveau jardinier. Oui, comment vous vous appelez ? Mohamed, monsieur. Ah, Mohamed, mais vous n'êtes pas catholique. Ah, c'est, monsieur. Si, je m'y suis converti. Oh, c'est extraordinaire. Tout très bien. Vous êtes un bon chrétien. Alors, dites-moi, en tant que bon chrétien, comment s'appelle la mère de Jésus ? Alors, Mohamed regarde sur sa tondeuse. Marie ! Oh, je... Et le père ? Alors, il regarde sur la tondeuse. Il n'est pas obligé de lui gueuler dessus, non plus. Joseph ! C'est très bien, je n'en reviens pas, je me faisais la gueule ou quoi. Et comment Jésus est-il mort ? Alors, il regarde encore sur la tondeuse. Sur la croix, monsieur ! Oh, c'est très bien, c'est parfait. Alors, merci. Alors, l'archevêque s'éloigne et puis il dit... Ah, mais dis donc, mais... attendez, je vais vous demander un truc qui me revient. Est-ce que vous pourriez me dire également, c'est comme ça juste pour voir, le nom des deux larrons qui étaient de chaque côté de Jésus sur la croix? Il regarde sur la tondeuse et... Oui, et Black et Decker. Allez bien. Tout ça pour ça. Bon. Alors du coup, j'ai une blague sympa et une blague dégueulasse. Je fais laquelle? Ah, la dégueulasse. Blague dégueu. Bon, je vais faire la sympa alors. Oh non. Bon, d'accord. Alors, à la demande de... alors c'est à la demande de Mégane. Oui. Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccades? Parce que les femmes avalent par gorgée. Oh, oh non. Oh ben c'est non. C'est rigolo ça. Ah, ouais. Ça c'est bien. Et elle dit c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Et puis elle mastique aussi. Ah oui. Quand il y a des grumeaux. Bah c'est ça, oui. Basile. Alors, il y a deux copains qui ont un peu picolé, qui arrivent comme ça, et le premier qui lui demande... Ah, faut parler dans le micro, Basile. Ouais, bah, qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'apprenais que demain... Oups là. Et un peu de musique, tout ça, oui, c'est Philippe, la grosse ambiance. Philippe, sans des fois, de soirée, il est un peu précoce. Il est un peu éjaculateur précoce de générique. Et donc, qu'est-ce que tu fais, toi, si demain, tu t'apprends que tu vas mourir? Le premier, il fait, bah moi, je baisse tout ce qui bouge, vraiment, je baisse tout ce qui bouge. Bah, l'autre, du coup, lui répond, bah, moi, je vais pas bouger. Allez, j'ai un public. Kevin, il y a Mégane qui est fan de toi, Basile. Oui, Kevin, c'est moi. Oui, c'est toi, Kevin. C'est moi. Alors, quelle est la saison des impuissants? C'est pas. On sait pas. T'as pas de réponse? Non. D'accord. L'automne. Ah. Parce que c'est là que les glands tombent. Et alors, Muriel? Alors, quelle est la différence entre un meeting du Front National et un préservatif? Ah, on sait pas. Il y en a un qui est couvert. Dans le préservatif, il n'y a qu'un seul gland. Oh. Ah, elle est bonne. Ah, elle est bien. Bon, eh bien, moi, je propose qu'on marque une très courte pause, car nous avons à vous proposer juste après un chroniqueur que nous avons chaque semaine dans l'émission qui ne peut pas être là cette semaine. Ah, il va nous dire pourquoi, j'imagine. C'est Aymeric Deguy. Vous allez voir qu'on se fait beaucoup d'ennemis dans cette station. Ah, oui. Grâce à Aymeric Deguy qu'on retrouve juste après la pause. À tout de suite. Retour d'On va se marrer avec les aventuriers de l'impro. Alors, les aventuriers, sachez que chaque semaine dans l'émission, ou presque chaque semaine, en fonction de la censure, nous avons Aymeric Deguy. Ah, merde. Alors malheureusement, cette semaine, il n'a pas pu venir car il est à Fleury-Mérogis, je crois, Aymeric. Non, salut les gauchistes. Non, en fait, les raisons de mon absence, c'est que j'ai un ticket avec Emmanuel Cos. Ah, bah c'est vrai qu'elle est dispo maintenant. Ah ben oui, avec le mari qu'elle a, je pense qu'elle a besoin de s'éclater, donc ça fait un moment qu'elle me harcèle. Ah. Et j'ai fini par céder. Bon, je peux vous citer quelques... On s'en fout, on est entre nous, hein. Oui. Il y a quelques millions d'auditeurs qui nous écoutent, mais quelques SMS bien salaces qui m'ont bien plu. Donc, Aymeric Deguy, j'ai hâte que tu viennes pétrir mes seins dodus et que tu enfonces ta saucisse végétale dans ma broussaille. Oh. C'est mignon. Ah oui. Un autre, viens allumer mon réacteur nucléaire enseveli au tréfonds de mon vagin champêtre. Oh. C'est très poétique. C'est fin. Moi, ça m'excite. Merci. C'est Mégane. C'est toujours moi, Aymeric. Bon, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Donc, j'attends. Donc, j'ai rendez-vous d'ici un quart d'heure avec Emmanuel Cos. Et puis, je vous raconterai à la prochaine émission ce qui s'est passé ou pas. Oui, bah oui, oui, oui. Bah oui. Mais t'avais autre chose à nous dire, j'imagine, non? Oui, bien sûr, oui, c'est bien sûr. Bah, on t'égoutte. Ouais, parce que là, on se fait chier quand même. 49-3. Donc, français, française, gauche caviar, extrême droite couscous lardon, communisme moussaka, républicain foie gras, c'est donc les infos du monde fou. Ah. Je suis Aymeric Deguy, un esprit rebelle dans un corps sain, et moi, quand je fais la nuit debout, je finis toujours par coucher avec une militante. Ah. Bref, on se comprend. Ah, qu'est-ce que ça baisse du matin au soir là-bas. Ah bon. Bienvenue. Non, c'est nuit debout, mais ça couche du matin au soir. Hein. Du soir au matin. Bienvenue en France. Bienvenue en France dans tous ces états d'urgence et n'oublie pas, sale citoyen contestataire, 49, 49.3, c'est plus fort que toi. Hein, dans la série, on s'inspire d'un vieux slogan pour une console de jeux vidéo. Sega. Avant d'aborder le Fukushima sexuel d'Europe Écologie des Verts, petite devinette. Oui. Qu'est-ce qui stimule un fraudeur fiscal homosexuel pour qu'il puisse mieux élargir sa fortune? Hein, Un compte en banque à Panama Poppers. Oh, elle est pas mal celle-là. Panama Poppers pour une dilatation discrète et en douceur et qui la met bien profond aux non-imposables qui ont un trou dans le budget. Donc, pour réussir en France, devenir riche. Dans la série, les scandales sexuels peuvent arriver n'importe où. Bon, on a eu le PS avec DSK, Fitel, Nafissat Diallo, Georges Tron, souvenez-vous, des Républicains, avec troncducul.com, un vrai fétichiste du pied qui aurait dû avoir des secrétaires cul-de-jatte, et malheureusement, elles avaient leurs jambes, mais elles ont pris leurs jambes à leur cou, elles en sont parties. Souvenez-vous, Frédéric Mitterrand, de l'UMP toujours, enfin des Républicains, avec la Thaïlande. Bon, là, c'est encore bien loin. Félix Faure, souvenez-vous, la pompe funèbre. Il est mort en se faisant tailler une pipe. Bon, c'est au tour d'Europe Écologie, un parti qui n'a pas que des verts, mais des pervers. Denis Baupin, député Europe Écologie, accusé d'harcèlement sexuel, époux d'Emmanuel Cos, ministre du Logement. J'ignorais qu'elle était mariée, vous aussi j'en suis sûr, on comprend pourquoi il harcèle les autres. Non, c'est dégueulasse. Une loi du silence a été brisée, 8 femmes du Parti des Verts se sont mises à table, donc voici la trique sélective de Denis Baupin à ses victimes, donc SMS graveleux et ordurier, agression sexuelle, harcèlement... une belle pollution sexuelle, une magnifique bioperversité. Emmanuel Cos, si je puis me permettre, de toute façon, elle arrive dans un quart d'heure à la maison. Bon. Elle m'a encore envoyé un SMS, là. Bon, je le lirai plus tard. Emmanuel Cos, si je puis dire, je te dis ça en langage écolo, pour vouloir défendre la nature avec un conjoint pareil, il ne faut pas seulement avoir un goût de chiottes, mais de toilettes sèches. Pour conclure, c'était pas fâché avec le vert. Il y a de quoi être vert, hein. Mais là, je pense que là, c'est la colère noire. Ça, c'est pour Marine Le Pen. Pour conclure, et ce trait d'esprit plaira beaucoup à Colin Vidot, qui sera bientôt de retour sur On va se marrer. Maintenant, pour revaloriser le parti Europe Écologie, on a du. Baupin sur la planche. Oh, moi, d'ici là, la Terre se lève, t'as mieux tourné. Bon, alors surtout, n'hésitez pas à demander Émeric Degui comme ennemi sur Facebook, hein, vous l'avez compris, puisque toutes les réclamations, vous pouvez lui envoyer sur son Facebook. Le problème, c'est que ça le motive. Et qu'il fait pire chaque semaine. Et rappelons que c'est quand même en plus ça arrive l'année où c'est les 30 ans de Tchernobyl. Faut y penser quand même, il y a eu pas mal de gens, il y a eu pas mal de victimes, il y a pas mal de gens après qui ont contracté les cancers, mais je rappelle qu'en France, le nuage il est jamais passé, hein. Ah non. Voilà. Faut pas rester là monsieur, bon. on travaille nous, hein. C'est un club privé. Bien, écoute, on te remercie encore, Émeric, de nous avoir passé ce petit coup de fil, et puis on te donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Émeric. On se retrouve la semaine prochaine. Entendu. Salut, Émeric. Salut, Émeric. Bisous. Ciao, Émeric. Ça chauffe pas trop, le Émeric. Ah oui, bah là. Il est jaloux, Bob. Parce que lui, contrairement à Bob, il bande encore. Non, ce qui m'étonne, c'est que Philippe m'a pas encore dit. Ça pourrait être ta petite fille. Oui, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, justement, puisque Émeric Degui nous propose, me tend une perche pour une petite impro. Alors, on vous donne, 7-8 minutes maximum, une petite impro rapide. Harcèlement. Le mot est harcèlement. Oui. C'est ça ? Oui. Ok. Et l'adjectif alors ? Ah, il faut un adjectif en plus d'harcèlement. Harcèlement sexuel, soyons simples. Oui, voilà, harcèlement sexuel si vous voulez. Allez hop, c'est parti. Original. Les aventuriers de l'impro. Ah. Et c'était pas prévu, hein, je vous le dis. Non. Ah non, c'était pas prévu. C'est vraiment c'est bien fait pour vous. Ah non, Kevin sourit, donc c'est que c'était pas prévu. Ah non. Bon, la balle est dans votre camp, les filles. Kevin, viens ici. Oui, madame. Viens ici. Oui, madame. Baisse oui. ton froc. Baisse ton froc et baise-moi. Mais madame, on a déjà fait ça ce matin. Je m'en fous. J'ai une réunion ce soir hyper importante. J'ai besoin de me déstresser. Kevin, baisse ton froc. D'accord. Ok, je promets pas d'être super performant, mais d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Kevin? Bah, je me touche quand même, parce que pour essayer de faire du sien. Enfin, Kevin, c'est pas toi que tu dois toucher, c'est moi. Ah, oh, mais c'est dégueulasse, c'est tout calme. Tu vas te faire virer, Kevin. Touche-moi, Kevin. D'accord, mais avec vos vêtements, hein, parce que c'est de la soie, non, c'est mets doux. Mets ta langue dedans, mets ta langue. C'est dégueulasse. Maman? Maman, oui c'est toi? Oui, chérie. Qu'est-ce que tu fais, maman? Oui, chérie, alors... Qu'est-ce qui se passe, mon canard? Je suis au boulot, là? Maman? Oui, mon cœur. Mais moi, j'avais faim, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais avec le monsieur? Alors, avec le monsieur, justement, on teste les grosses saucisses. Pour que tu puisses ce soir dévorer ton cul. Ah, c'est trop bien. Merci, maman. J'ai super faim. Bon, bah, je t'attends à la salle à manger. Alors. Eh ben, il n'y a pas de problème. Maman, très, très bien. Est-ce qu'elle peut rester ta fille? Parce que tout d'un coup... Non. Là, j'étais super dur, là. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux regarder, chérie? Il faut toujours voir un petit peu ce que c'est que la vie. Alors, je vais te montrer comment maman réussira à te faire, chérie. Kevin! Oui. Pénètre-moi, Kevin. Oh, oh gros salaud, tu aimes ça, hein? Oh, c'est dégueulasse. Est-ce que ton frère est là, Kevin? Non, pas lui. Est-ce que ton frère est là, Kevin? Non, madame, il est innocent, lui. Ramène ton frère, non, Basile, tu es quelque part. Qu'est-ce qu'il y a, on m'a appelé? Basile, reste caché, Basile. Basile, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Sors ta grosse gueule et fous-la moi aussi. Oui, hey, j'ai rien demandé, moi. Basile, fuis, Basile. Basile, tu veux mourir? Non, je sais que je... Non, je veux pas mourir. Maman, j'ai vraiment, vraiment faim, là. Eh bien, écoute, chérie, tu vas prendre celle de Basile, je vais m'occuper de celle de Kevin. Et bon appétit. Je vous préviens, Basile, tu la sors doucement, s'il te plaît. Ça fait longtemps qu'il l'a sorti. Tout doucement, ça va t'exciter, chérie, tu vas voir. Tout tu viens doucement. Sors-la doucement, Basile. Alors là, tout doucement, tu vas mettre ça dans ta bouche, chérie. Tout doucement. Et tu croques. Et tu croques. Un bon coup, et tu mords. Sois fort, mon petit frère, sois fort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, tu jouis. Attends, je suis pas prêt. Et là, il y a Maurice qui arrive. On m'a appelé. Bonsoir les filles. Bonsoir les filles. Maurice. Oui, salut. Installe-toi, Maurice. Elle est capable de m'attacher sur la roue. Maurice, fouette-moi. Oui, allez, on finit là. La suite. Il va falloir aller à Paris pour la suite. Alors, c'est tous les vendredis à 20h30 au théâtre R. Falguière. 55 rue de la Procession à Paris, métro volontaire ou pasteur. Voilà, c'est parfait. Mais c'est aussi chaud que ça, les représentations. Ah, ça peut être chaud comme ça peut être hyper... hyper sobre, hein. Ouais, ça hyper peut sobre, être, ça peut être très très chaud. Et surtout oui, quand oui. on joue dans des monastères, généralement on aime bien. Hein. Je sens. Quand il y a des enfants dans le public, on aime bien surtout. Oui, je sens que Maurice vendredi va faire un tour dans votre théâtre. Bon, allez, une très très courte pause, car Frédéric Koster a préparé une petite surprise. Ah, là, c'est moi qui le sors. Oui, chaque semaine il en prépare une, donc restez avec nous, on revient avec les aventuriers de l'impro. Retour, on va se marrer ouais avec ouais les aventuriers de l'impro ouais ouais. Super. Très bien. Alors, oui, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais donc vous allez à Avignon cet été, et ça c'est super. Mais si nos amis qui nous écoutent en province, parce qu'on a plein de salles amis qui nous écoutent en province, veulent vous inviter, pas et de non, problème. Pas des salles amis. Non, des salles amis. Ils vous contactent sur votre Facebook. Mais bien entendu. Vous êtes prêts à aller partir en tournée. Tourner en France, en Belgique, dans le monde entier. Ah, partout, bon. Tout ce qui est francophone, partout. Appelez-nous. Très bien. Au Canada aussi. Oui, ah, mais c'est oui plus loin. Alors, chaque semaine, Frédéric nous le sort en fin d'émission. Oui. Ah oui, c'est dégueulasse des fois. C'est déjà la fin. Oui, c'est le petit quiz musical de fin d'émission. Ouais. 8 inter... Oui, oh, tu... Ce qui est bien avec Mégane, c'est qu'elle est enthousiaste, elle est enthousiaste tout le temps. Oui. Tout le temps. 8 interprètes à découvrir. Ouais. 8 extraits de chansons, donc 8 interprètes à découvrir. Le thème du jour, ce sont les personnages historiques. Donc 8 interprètes qui parlent de personnages historiques. Il faut reconnaître le nom des chanteurs, donc on les écoute. Vous les notez sur vos petits papiers, puis on se retrouve après. Ah, très bien. Tu triches pas, Bob. Le premier extrait, Bob. C'est le jingle. Merci. Charlemagne, ça se voit, Charlemagne. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. Quand on connaît le prix qu'on met dans une bombe, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Où sont passés? Je suis pas comme ce qu'elle dit. Déjà 2 ou 3 ans, Mandela sur son lit de camp. Un peu plus tard, à ma manière, manifestant contre la guerre. Versailles dans la joie, sous le soleil, nous offre tout l'éclat du roi soleil. Sa cour est toujours là, dès le réveil, pour suivre chaque pas du roi soleil. C'est comme un film d'époque, tourné dans ce décor, c'est du... C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. La mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus qui est un hippie. Ah! Alors! Pour une fois, je l'ai fait pas trop difficile. Non, c'est vrai, là je reconnais. Hein, c'est gentil de dire ça parce que là je me sens vraiment comme un con. Là. Oui, oui. Alors, un tour de table. Alors, Basile, t'en as trouvé combien? Dans le micro, c'est mieux. 3. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Pas mal. Bon, Kevin, on passe. Pourquoi? Bah, Kevin, il pense en avoir 4. Ah, quand même, c'est bien. Il pense. Muriel a-t-elle fait mieux? Non, une seule, je pense. Oh non. Oh non. Je suis nulle en blind test. Mégane. Moi, je crois que si je me suis pas trompée, j'en ai 7. Il te manquerait lequel? Il me manquerait la 5. Ouais, c'est ça. On se décompose comme moi. Oui, on va. Ah bah, il est prêt, c'est Maurice. Hein. Et, là, et donc, priorité aux invités. Exactement. The invitee first. Dorothée. Non. Qui a eu cette idée folle un jour? Ah, Dorothée? Non, c'est pas mais Dorothée. Non, c'est Chantal Goya. Non plus. Non plus. Ah, c'est pas Goya. Non. Pas Sandrine Pastourelle. Avec ses couettes. Comment tu dis? Attends, Maurice. Maurice. Ouais. Maurice là. Stop. Maurice là. Pastourelle, non, pas. Mais non, mais non. Presque. C'est Sheila. Presque. Sheila, bah oui. Non. Non, non, il non. L'avait presque. Ah, ça, comment tu dis? Comment tu dis? Allez. Voilà, bon, c'est France Gall. Hein. Allez. C'était France Gall. Oui. Voilà. Sacré Charlemagne, c'est France Gall. Ah, j'ai pensé à l'eau. Sardou. Oui. Ah, bravo, Mégane. Elle nous avait, qu'elle avait, elle nous a dit qu'elle avait une culture musicale de merde. Et qu'elle aimait que les chanteurs de gauche. C'est ça. Oui. Bon, bon, la, ensuite, la suivante, là, elle est facilement reconnaissable quand même, les gars. La troisième, ouais, ah oui, troisième. Patricia Cass. Comment t'as dit? Cass. Patricia Cass. Déjà 2 ou 3 ans. C'est facile, c'est la voisine. Ça, c'est la cabane au fond du jardin. C'est la seule que j'avais. Ah, ça y est, laissez-la à Muriel alors. Laissez-la à Muriel. Francis Cabrel. Alléluia. rêver. Eh ben c'est Annie. Dans la joie, Annie Cordy. Et voilà. Nous offre tout l'éclat du roi soleil. C'est parce que Fred a l'intégrale, c'est vrai. Oui, oui, c'est l'intégrale d'Annie Cordy. Donc en fait, je peux en mettre une toutes les semaines d'Annie Cordy. En plus, c'est tout le disque. Bah oui, il faut que je rentabilise, ça coûte cher le coffret. Alors. Fus est mort depuis. Mais je porte en chantant tout l'espoir j'ai dit de sa Béco. Vie. Non. Non. Duteil. C'est un pour la mémoire. Yves Duteil. Oh. Puisqu'en son paradis. Bravo, Maurice. Il n'y a pas de chanson qui donne envie de se suicider à part celle d'Yves Duteil. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y. Ah. Camélia Jordana. Bravo. Ah. Tu l'avais. Wow. T'avais dit quoi, Philippe? Pétula Clark. Ah non. Ça, je l'aurais. Ah bah si, elle avait la voix. Pétula, je l'aurais retrouvée. Philippe, je t'ai eu. Camélia Jordana, oui, mais qui c'est qui avait fait la nouvelle star. Ah, oui. Ah, bon, le dernier, Basile, ah, tu oui, l'as le quand dernier, même. Ah, le dernier, oui. Il est né à San Francisco. Tu l'as celui-là quand même. Non. Ah, idole. La star française. Eh oui, c'est idole. Johnny Hallyday. Ouais ouais j'avais aussi. Voilà, comme ça, chacun a donné sa réponse. Bah voilà. Ah bah oui. Donc la bon, grande bah, gagnante. Hey. Moi, je pense. Un gagnant ou pas? Eh ben oui, non, on peut applaudir quand même les aventuriers de l'impro dans leur ensemble, parce bravo que quand même, ils ont presque tout trouvé si on additionne bravo tout. Ouais. Hein, presque. À part Annie Cordy, comme d'habitude, qui est. Oui. Annie Cordy, il n'y a que moi qui le trouve. Bello? Oui. Vous oubliez rien, là? Ah oui, j'ai oublié. Oh, non, oh. Oh, non, ah, non. Alors, on s'en oh va. Alors, on ah, j'ai oublié les acclamations merde de Don Salus. J'ai pas fait ça pour rien. Alias Frédéric Coster qui a préparé le quiz. Donc, on va, comme d'habitude, viva voilà. Bravo, bravo, Don Salus. Viva Don Salus. T'as pas trop fort, sinon ça me fait mal aux mains. Mais c'est ça, oui. Ça, tu vas voir, je vais me faire mal aux mains aussi. Alors, je fais les Toto. Oui. Alors, c'est Toto qui va à l'école. Oh, elle est bonne. Les vieux moteurs, oui, l'équipe de Mégane, Maurice perdu et Bob. Non, ils ont. Eh, hey, Bob, Maurice, ouais, quand même, vous avez très très bien joué. Hein. Et pourtant, j'en ai donné des réponses. Ah, hein, c'est vrai, pour une fois, là. 6 points. Incroyable. Ouais. Ah non, 6 points. Non, ça mérite. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et je dois ah dire oui quand même. Alors, non, je précise juste à Muriel, Kevin et Basile que les semaines où mon équipe ne gagne pas, oui, les invités sont tués. Oui. Et alors là, cette semaine, l'équipe des poilus, donc Muriel, Kevin, Basile, Frédéric Coster. Oui, oui. Alors là, je dois dire une chose, c'est que Frédéric risque de gueuler. Non, je le dis, hein, mais bon, pas forcément beaucoup, mais il va gueuler un peu parce qu'il gagne avec 9 points seulement. Ah. Ouais. Bravo à l'équipe de... Bravo. Bravo, ah, bravo. Frédéric Coster se jette par la fenêtre. Mais non, 9 points. 9 points, c'était pas mal. 9 points, c'est pas mal. Non, j'ai le triomphe modeste. Oui. J'ai pété un casque. Bon. Voilà. J'ai le triomphe modeste. Ah oui. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, ça nous permet de refaire un coup de promo. Maurice, où tu vas? Je crois que il a tout rangé, non, mais je rêve. Maurice. Maurice. Oui. Maurice. La promo. La pub. Alors. La promo. Pour voir les vents. Tu riez. Les aventuriers de l'aventure, oui, de l'impro. Oui. C'est tous les vendredis à 20h30. Oui. 55 rues de la Procession, métro Bulvert ou métro Bulvert. Métro Bulvert. Métro Bulvert ou Pélisse. Alors métro Pasteur ou Volontaire. Tous les vendredis soirs à 20h30, sauf le 10 juin. Et nous jouons à Avignon au théâtre de l'Albatros et on est très très content d'être avec vous. Merci ah à bah tous. Écoutez, à nous aussi, on s'est bien marré. Et maintenant, je vais chier. Et ben on va applaudir Mégane, Muriel, Kevin et Basile, ouais, qui sont venus nous voir, les aventuriers de l'impro. Ouais, ouais, ouais. Bah non, mais pas venus nous voir. Ben si, on vous a vu là. Ah oui, c'est vrai. Vous reviendrez, hein, vous oui reviendrez. Hein. On va parler de vous pour Avignon. On vous fera la promo ouais cet été aussi, évidemment. Donc on vous applaudit encore une fois et on vous donne rendez-vous vendredi à 20h30. Merci à Maurice. Oui, il est parti. Tu as pas, je te barre. Merci C7. Bob du club. Ah bravo. Bonsoir les filles, à la semaine prochaine. Frédéric Coster. Ah, merci. L'émission. Davy pour la réalisation. Merci. Ouais. Et Marthe Mercadier. Toujours en vie. Onvasemarrer.com, c'est pour les anciennes émissions. La page Facebook, c'est la photo qu'on va faire ensemble. C'est vrai. Et iTunes, c'est pour le podcast. Yes. J'ai tout dit. Rendez-vous la semaine prochaine. Même punition, même peine. Ouais. Ouais.